Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la belle époque des créations collectives au théâtre québécois. Il y a des spectacles qu'on a fait il y a 6 mois. Ça ne me viendrait pas à la tête de le reprendre parce que c'est du passé, c'est fini. On est éphémère, soyons éphémères jusqu'au bout. Ce que l'on fait, c'est dans le moment où on le fait, pour les gens qui viennent. Et puis après, il y a une nouvelle volonté de créer, de création qui se remet en route. Et puis on investit nos énergies, notre imagination et notre savoir-faire dans un nouvel objet. L'homme de théâtre et cofondateur du Théâtre expérimental de Montréal, Jean-Pierre Onfard, à l'émission Au fil des arts en 1978. En écoutant Jean-Pierre Onfard, on comprend tout de suite l'état d'esprit dans lequel se fait ce nouveau théâtre des années 70 et 80, un théâtre qui va s'inscrire dans ce grand mouvement des créations collectives. Le côté éphémère de ce théâtre dont parle Jean-Pierre Onfard peut faire sourire avec le recul, dans la mesure où ce mouvement des créations collectives dans lequel il s'inscrit a probablement lui-même été largement éphémère. Mais la maison carrée qui nous fut destinée dort dans une fourrière surpeuplée. Les vieilles. La chose collective, c'était fantastique parce que ça a permis à chacun de comprendre sa fonction. Puis si tu fais un texte, parce qu'il y en a un qui écrit mieux. Puis si tout à coup, au début, on chante tout à l'unisson. Bon, on fait des petits canons. Mais à un moment donné, tu te dis, ben là, si on veut dire quelque chose de plus en musique, il y en a peut-être un dans la gang, c'est un vrai musicien. Mais à un moment donné, lui, il faut qu'il obéisse au droit de la musique puis qu'il nous fasse chanter autrement. Puis la danse, on peut tout faire 3-4 stepettes. Mais à un moment donné, si tu veux faire quelque chose, t'engages une chorégraphe. Ou en fait, s'il y en a un dans la bande qui a les temps de... C'est-à-dire que c'était ça qui est extraordinaire. C'était pas les langues de feu, là. C'était pas la chute des langues de feu. La Pentecôte. C'est pas le truc là, qu'on se met tout ensemble, puis on se regarde, puis à un moment donné, le peintre se met à écrire, le musicien se met à danser. Pantoute, c'était pas ça. Mais très souvent, quand tu lis les textes de l'époque, t'as l'impression que c'est ça. Oui. C'est pas ça du tout. Alors, le jeu d'équipe était extraordinaire. En plus de ça, ça s'est avéré. Il s'est avéré que les acteurs qui en faisaient partie sont tous des acteurs extrêmement importants. Extrait de la création collective, suite pour un truchement du Grand Cirque ordinaire dans lequel vous entendiez le comédien Raymond Cloutier, suivi de l'homme de théâtre Jean-Claude Germain à l'émission 11e heure en 1998 pour nous parler de cette époque où la création collective occupait l'avant-scène du théâtre québécois. Mon invité est Philippe Couture. Philippe Couture, bonjour. Bonjour Jacques. Critique de théâtre, vous participez à différentes revues, jeux entre autres. Partagez votre vie entre la Belgique et le Québec. Donc on vous prend pendant que vous êtes là. Quelle place occupe, Philippe, ce mouvement des créations collectives dans le théâtre québécois? Alors, vous l'avez dit, il a été éphémère. Hein? On parle des années 60-70. Ça a eu des relances jusque dans les années 80, mais son influence a été très durable parce que c'est à partir de ce moment-là que le théâtre québécois se désolidarise un peu du texte dramatique, classique, et qu'il s'éclate et qu'il se déconstruit en quelque sorte et qu'il devient aussi très politique. Donc, il appartient à cette époque, les années 60, de révolution, de rébellion, d'affirmation nationale aussi. Et tous ces éléments-là vont perdurer. Témoin de son époque, au fond. C'est ça. C'est la manifestation d'un climat, d'un état d'esprit ambiant, le théâtre de création collective. Absolument. Le contexte sociopolitique, c'est la post-révolution tranquille. Donc, on a une génération, les baby-boomers, qui sont jeunes à cette époque et qui sont nombreux et qui cherchent à réinventer le Québec, à créer leur propre structure. Et ce mouvement-là politique va avoir des échos sur la scène théâtrale où on va vouloir réinventer de nouvelles structures. Contexte théâtral intéressant aussi parce que les institutions théâtrales québécoises viennent de naître presque, le Rideau Vert, le TNM, mais sont déjà dans un théâtre qui est un peu plus conventionnel où on va jouer des grands auteurs étrangers, Pirandello. On va jouer aussi du québécois. C'est la période où Michel Tremblay a émergé. On a joué du Gracien Gélina avant ça, mais c'est encore du théâtre de texte. Et ce que veulent faire les artistes des créations collectives, c'est inventer une nouvelle façon de travailler en collectif, des nouvelles pratiques, réinventer les formes, réinventer les modes de gestion aussi. Puis il y a tout un contexte international dans lequel ils s'inscrivent, la contre-culture californienne qui les inspire beaucoup, le mouvement de mai 68 à Paris, Et puis, il y a le socialisme, tout simplement. C'est des troupes qui vont être assez marxistes, ouais. Dans certains cas. Le théâtre, eux, par exemple, qui s'inscrivait très profondément là-dedans. Donc, ils sont dans une effervescence et qui aura eu une influence durable sur le théâtre québécois. Ouais. Il y a des troupes aujourd'hui qui continuent à porter cet héritage d'une façon différente, mais influence durable. Puis, pour parler des baby boomers qui sont jeunes à ce moment-là, mais c'est ça, c'est leur arrivée. C'est un petit peu la nouvelle génération qui prend d'assaut à cette scène théâtrale québécoise. C'est des jeunes dont on parle. Il y a cette fameuse promotion là, de l'École nationale de théâtre, c'est quoi, 68, où les Gilbert Sicotte et d'autres décident de claquer la porte. Raymond Cloutier claque la porte et va fonder, lui, le Grand Cirque. C'est ces gens-là qui font partie de ce mouvement-là. Gilbert Sicotte, Paul Baillargeon, d'autres qui sont moins connus aujourd'hui, Clément Cazelet, mais Marc Doré à Québec, qui est une figure très importante au Conservatoire de Québec, qui fait du clown, qui a eu une influence très importante sur les acteurs québécois, ouais. Qui a développé toute une pratique de théâtre corporel. On parle de ces gens-là, oui. Ouais. Il se fait du théâtre de création collective au Québec, mais pas qu'au Québec. C'est l'époque. Il s'en fait beaucoup aux États-Unis aussi. C'est en Europe. Ça inspire les gens d'ici ou pas, Philippe Couture? Ouais. Disons que ce mouvement de création collective suit vraiment l'influence américaine au départ. Ils vont être suivre les traces du Living Theater aux États-Unis, qui est une troupe vraiment libre, qui veut faire un théâtre le plus démocratique possible, un théâtre contestataire, un théâtre qui sort dans la rue, qui manifeste avec les passants, qui dénonce une Amérique sclérosée et capitaliste. C'est un théâtre qui exalte le collectif, la prise de parole, la prise de pouvoir par les citoyens. Même chose pour la troupe du Bread and Puppet Theater, qui, elle, fait des marionnettes géantes, qui est dans le même état d'esprit politique, mais ouais. Qui utilise des moyens théâtraux plus exacerbés, plus démonstratifs, et ils vont influencer beaucoup au Québec les gens du théâtre, eux, par exemple, ouais. Qui seront dans un théâtre plus clownesque. Le théâtre Parmi nous, dont on parlera plus tard également, va suivre les traces du Bread and Puppet, ouais. Assurément. Et au Canada anglais, en même temps que se développent les créations collectives québécoises, il y a un mouvement similaire que je connais moins, mais qui était, lui, plus ancré dans ce qu'on appellerait aujourd'hui du théâtre documentaire, hein, un théâtre qui veut documenter la réalité, ouais. Des travailleurs, des ouvriers, en s'appuyant véritablement sur le réel, sur des entretiens avec le vrai monde. Théâtre qui revient un petit peu à la mode là, dans les dernières années. Absolument, qu'il y a un gros, gros boom de théâtre documentaire au Québec en ce moment. Bon, avec des approches plus journalistiques qu'à l'époque, hein, parce que ce que faisaient les créations collectives, c'était avec une grille de lecture très marxiste, ouais. Et socialiste de la société. Aujourd'hui, on fait du théâtre documentaire avec une volonté plus grande d'impartialité, mm-hmm. ou d'objectivité, mais il y a clairement un lien à faire entre ces deux mouvements. Comment définir le concept même de... On comprend l'esprit, l'état d'esprit en vous écoutant, mais ça ressemble à quoi très concrètement cette démarche de création collective? On écoute la comédienne Michèle Rossignol et le dramaturge Michel Garneau en parler à l'émission Horizon en septembre 1970. Qu'est-ce que c'est une création collective? Une création collective, c'est, par exemple, à partir d'un groupe, choisir des thèmes dont le groupe a envie de parler. Je veux dire, par exemple, dans le cas de Shawinigan, il y avait l'administration aveugle, qui est un thème extraordinaire auquel ils ont à faire face aux autres, c'est-à-dire l'administration des cégeps. Ils arrivaient tous en demi-cercle avec des masques, je veux dire. Puis on avait fait comme système de travail le principe du cadavre exquis pour le texte, c'est-à-dire chacun écrit une phrase et puis la replie et tout ça. Ça faisait des textes absolument extraordinaires. On a appelé création collective une systématisation de la collaboration de toute une troupe à tous les niveaux. Il y a des vraies créations collectives puis il y en a des fausses, je pense. C'est-à-dire que quand il y a vraiment une collaboration à l'intérieur du groupe et une démocratie, il y a possibilité d'une création collective, ou bien il peut y avoir aussi un petit peu de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'une vraie création collective, Philippe Couture, pour reprendre l'expression qu'utilise Michel Garneau dans l'extrait qu'on vient d'entendre? Alors, je vous donne la définition de Fernand Villemur, d'abord, qui est considéré comme le premier historien des créations collectives au Québec. Il dit une pièce dans laquelle les comédiens sont plus que de simples interprètes, donc les comédiens participent à l'écriture du spectacle globalement. Une pièce qui est dépourvue de texte permanent, ça veut dire l'improvisation est encouragée à toutes les étapes de création, à toutes les étapes de représentation. Une pièce contestataire et révolutionnaire, donc qui s'appuie vraiment sur la sociologie qui veut représenter le monde social et contester le pouvoir établi, par exemple. Et c'est une pièce qui souvent va vouloir sensibiliser le public à un problème vécu par ce public même. Donc, il y a un aspect de proximité avec le public, de témoigner d'une situation très locale, de le faire dans une langue également vernaculaire locale, de parler aux Québécois de leurs problèmes dans leur langue. Un théâtre qui conteste l'autorité et à l'intérieur même de la manière, de la façon de faire du théâtre, la première autorité contestée, c'est probablement celle de sacro-sainte autorité à la fois de l'auteur et du metteur en scène. Exact. Donc, il y aura vraiment un éclatement de la façon de créer du théâtre où on rejette l'autorité d'un metteur en scène pour créer en collectif. Et même, ça va jusqu'au modèle organisationnel des troupes qui vont être souvent basées sur un principe de prise de décision égalitaire en collégialité profonde. Et c'est ce qui va même mener au déclin de la plupart de ces compagnies qui n'arriveront plus à supporter cette façon de fonctionner un peu démocratique à l'extrême. Ouais. C'est de la démocratie directe, extrême, et c'est inapplicable. C'est l'époque des communes aussi, il faut le rappeler. Et c'est ce qui fait la différence, probablement. Quand Michel Garneau dit, il y a des vraies créations collectives et des fumistes, des fausses créations collectives. C'est que pour lui, au fond, c'est ça. Pour que ce soit une vraie création collective, je devine, là, mais il faut qu'il y ait cette approche très démocratique. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse semblant, mais qui reste en contrôle de tout. Voilà. Et bon, là, il y a probablement dans l'histoire des créations collectives des gens qui vous diront que des figures importantes comme Raymond Cloutier ont fini par jouer un rôle prépondérant au sein de leur groupe. À tirer les ficelles. Et ça a mis en péril donc ces principes de démocratie. Ouais. L'engagement, vous en parliez, c'est vraiment, par définition, un théâtre qui se veut politiquement engagé. Oui, c'est un théâtre qui était synonyme de populisme de gauche, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui, qui était parfois marxiste-léniniste, qui voulait présenter un regard progressiste sur la société québécoise, qui s'accompagnait très souvent de prises de parole publiques, d'écrits aussi. Il y a beaucoup de manifestes que les troupes de création collective ont publiés dans différents magazines de cette époque. C'est vraiment un théâtre militant, bon, appliqué de façon différente par les différentes troupes, mais il y avait vraiment cet engagement et l'objectif politique de ces troupes devait prendre le dessus sur les individualités. Ouais. C'est souvent des troupes où les acteurs demeuraient anonymes, devaient un peu sacrifier leur individualité pour le bien de l'objectif commun. Et l'une des troupes de création collective qui va vraiment être parmi les plus engagées politiquement au Québec, c'est le Théâtre E de Québec. V'là mon estomac qui va pas, pis mon foie qui s'en va. Ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, et moi j'ai une crampe dans le bas du ventre. Va falloir que je demande un congé de maladie. À moi un congé de maternité. Voilà, mes chers spectateurs, ne vous laissez pas attendrir par toutes ces réquisitions, ces demandes de pause café, de pause maladie et de pause bébé. Tout ça, ça n'apporte qu'un nom, la paresse! Clément, je sais que la troupe 2 fait du théâtre d'improvisation, mais comment peut-on répéter? On répète l'improvisation en ce sens qu'on a un canevas qui sert de squelette, et chaque fois qu'on travaille, c'est-à-dire qu'on répète, c'est le terme classique, on improvise sur le canevas déjà fixé, et les choses se rajoutent, s'ajoutent, viennent coiffer ce squelette-là. Mais pourquoi vous avez choisi cette forme de théâtre, le théâtre d'improvisation? On n'a jamais fait de théâtre de texte au théâtre parce que du théâtre qui est écrit, c'est du théâtre qui est fixe, qui est mort, qui évolue plus. Et pour nous, on pense que le théâtre doit évoluer, doit changer à tous les jours selon les différents publics pour qui on joue et puis ce qui entoure la vie de ces gens-là, leurs problèmes et tout. Alors le théâtre, ça doit changer. Puis l'écrit, c'est pas possible. Les comédiens Clément Cazelet et Marie-France Desrochers du Théâtre E de Québec, extraits de l'émission « Des goûts, des formes et des couleurs » diffusée en décembre 1981. Quelle importance va avoir l'improvisation, qui est une philosophie, là? On vient de l'entendre, c'est plus que juste de ne pas écrire un texte. Il y a quelque chose de philosophique. Quelle importance ça va avoir dans la démarche de création collective? Influence énorme, et même c'est le seul aspect que toutes les troupes de création collective partagent, j'ai envie de dire, à un niveau esthétique, puisqu'ils faisaient du théâtre très, très différent les uns des autres. Mais l'improvisation, c'est ce qui les unit. Et pour eux, c'est à la fois une manière de réinventer la pratique théâtrale, mais c'est aussi une manière de libérer le corps. Et ça dépasse donc le théâtre, parce qu'il y a vraiment une démarche qui est, je dirais, presque spirituelle pour eux à cette époque de libération du corps, d'épanouissement, d'émancipation. Un théâtre vivant qui bouge, nous disait Marie-France Desrochers, qui est différent chaque soir, qui n'est pas figé. Ça, c'est important. Ouais. Et puis qui permet de révéler aussi des dimensions de l'humanité ou de la société qui n'apparaîtraient peut-être pas autrement en dehors de ce contexte de libérateur et spontané et où l'irrationnel peut surgir aussi. C'est une époque, Jacques, où la popularité de l'improvisation déborde vraiment de la sphère théâtrale. Elle est utilisée en psychologie, notamment, et les gens de théâtre utilisent aussi des principes de psychologie avec l'improvisation pour révéler des dimensions cachées de l'humanité, on pourrait dire. Concrètement, on parle de théâtre quand même, quelle langue va émerger de ce théâtre sans texte, Philippe Couture? Une langue qui est très proche de la langue parlée québécoise, très certainement. On va raconter les histoires des grévistes, des ouvriers, par exemple, en parlant leur langue. En parlant vrai. En parlant c'est vrai. C'est pas tant la forme, la fioriture qui compte. C'est plus ça qu'on vise, en fait. Non, ce qui ne veut pas dire, par contre, que les grands textes classiques ne peuvent pas être utilisés comme appui aux structures dramatiques. Le théâtre, eux, par exemple, a travaillé la figure d'Antigone et s'est appuyé sur les grands textes, mais ils ont complètement déconstruit la langue un peu emphatique de ces écritures-là pour la rendre extrêmement vivante, concrète, vernaculaire. Ouais. Et puisque vous parlez du théâtre, on y revient un instant avec cet extrait d'une entrevue accordée à Femmes d'aujourd'hui en 1973. On écoute Marc Doré parler de la démarche de la troupe et des préoccupations, vous l'évoquez, mais très, très concrètes, très à gauche aussi. C'est le théâtre le plus engagé probablement de cette période de la création collective au Québec. Des fois, on jouait le soir et on n'avait pas de spot. On avait des ampoules au bout d'un fil électrique. Alors, on donnait ça aux spectateurs qui tenaient les ampoules pour voir le spectacle. Alors, comme ils sont très près puis qu'on joue vraiment pour eux, souvent sur des thèmes qui sont très près d'eux, sur le logement, sur la propreté, sur des choses comme ça, alors c'est qu'ils nous disent des répliques. Alors, des répliques des fois plus justes que les nôtres parce que eux, ça les concerne vraiment. C'est là qu'ils vivent. Alors, c'est important de jouer avec eux. Alors, on prend le temps de le faire, puis quand c'est fini, ben on revient aux comédiens entre nous et on continue. Est-ce que ça demeure quand même un divertissement ou est-ce que vous êtes là surtout pour faire de la provocation sociale, passer des messages? De la provocation. Très souvent, on travaille sur commande. Je veux dire, on passe par des organismes qui sont dans les quartiers populaires, les comités de citoyens. Alors, ils font des réunions sur un thème. Alors, ils nous donnent le thème, nous, on se documente, et on va faire un spectacle sur ça. Parce qu'on considère que le théâtre peut être un service public. Et on tient à dire aussi, service public, ça ne veut pas dire une chose assez ennuyante. Nous, c'est du théâtre qu'on fait, et on veut être drôle, si on y tient énormément, on ne l'est pas toujours. Parce qu'on trouve qu'il faut, apprendre. On peut apprendre par l'art des choses, et on peut rire aussi. Alors, on essaie de passer les deux, autant que possible. Le théâtre comme service public, Philippe Couture, ça dit beaucoup sur l'esprit de l'époque. Absolument. Ça dit que ces gens-là voulaient raconter. Le Québec voulait participer à un mouvement d'émancipation nationale aussi. On n'a peut-être pas assez dit que c'est un théâtre qui était indépendantiste, hein, également, qui faisait partie de ce mouvement-là. On est à quelques mois de l'élection de René Lévesque au Parti québécois en 1976, par exemple. Allons-y. Il y a eu quelques troupes importantes. Le théâtre E, dont on a parlé déjà à quelques reprises dans cette émission. Allons-y un petit peu en cascade sur les différents points très lumineux qui vont illuminer cette scène théâtrale de création collective du Québec des années 70. Le grand cirque ordinaire, incontournable, ça va durer à peu près 10 ans, cette affaire-là. Exact. Eux, ils étaient dans l'utopie communautariste, j'ai envie de dire. Ceux qui ont le plus essayé de mettre en place une gestion collégiale et communautariste collective. C'est le Grand Cirque ordinaire qui était également en réaction au concept de famille qui a beaucoup défini la société québécoise auparavant. Eux voulaient que la troupe, que le collectif, que la communauté remplace le concept de famille. Il y a des gens qui vont se sentir étouffés. Ça, c'est donc la bande à Raymond Cloutier, appelons-les comme ça. Raymond Cloutier, Paul Baillargeon, etc. Et ça va imploser, là, parce que c'est trop étouffant après une dizaine d'années. Autre incontournable, on entendait au tout début Jean-Pierre Onfert, au tout début de cette émission, le théâtre, c'est d'abord le Théâtre expérimental de Montréal, mais qui va faire des petits. Théâtre expérimental de Montréal, ils étaient dans une approche, eux, plus formelle. Ils voulaient réinventer le théâtre à partir de sa qualité formelle. Leur outil de travail, c'était la création pure. Ils n'avaient pas d'idéologie politique prédéterminante, disons. Ouais. Eux, ils ont duré moins longtemps, seulement 4 ans. Ils ont implosé parce qu'il y a eu des conflits importants entre les hommes et les femmes à travers cette troupe, ce qui a donné d'un côté le nouveau théâtre expérimental qu'on connaît encore aujourd'hui, qui a été longtemps dirigé par Robert Gravel, Jean-Pierre Ronfard, aujourd'hui par Alexis Martin et Daniel Brière, et de l'autre côté, le Théâtre expérimental des femmes, qui aujourd'hui a muté en Espace Go. Ouais. Donc ça, c'est les rejetons du Théâtre expérimental de Montréal. La LNI en est également un, la Ligue nationale d'improvisation, est issue de cette organisation-là. Et puis l'autre troupe qu'on ne peut pas éviter en parlant de cette époque de la création collective, c'est le Théâtre parmi nous, Créneau Jeunesse, et qui existe toujours. Qui existe toujours. Ils ont voulu faire un théâtre vraiment de proximité, qui était ancré en région aussi. Hein. C'est une troupe qui est née à Québec, qui ensuite s'est installée à Victoriaville et qui a développé très rapidement du théâtre jeune public. C'est ce qu'ils font toujours aujourd'hui en parlant de thématiques sociales à des adolescents, notamment dans le milieu scolaire. Bon, l'époque, la belle époque des créations collectives, c'est derrière nous. Mais qu'est-ce qui reste? La démarche, en termes d'héritage, qu'est-ce qui reste dans la façon dont on fait du théâtre aujourd'hui au Québec de cette manière de faire? Ben, on est dans une époque où il y a tout un mouvement de théâtre interdisciplinaire, de danse-théâtre, qui est pour moi profondément hérité des créations collectives, où on n'est plus dans une relation de suprématie du texte. Ça, c'est également mondial. Hein, le théâtre contemporain international suit cette nouvelle façon d'écrire en collectif, par improvisation, dirigée, toutes sortes de manières différentes. Au Québec, c'est sûr que Robert Lepage, par exemple, a suivi dès ses débuts, dans les années 80, certains principes d'écriture collective. Hein. Ouais. Il utilisait à ses débuts la méthode repère, qui est directement inspirée de méthodes d'improvisation développées au cours des créations collectives. On en a parlé, le théâtre documentaire, qui est très en vogue aujourd'hui, peut très certainement faire partie de la filiation des créations collectives et je dirais que l'influence, on la sent partout, à vrai dire, dans le théâtre qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Philippe Couture, c'était passionnant. Journaliste culturel, critique de théâtre, collaborateur au Voir, au Devoir, à la revue Jeu, au Québec, entre autres. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.